Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Je fais des vidéos sur internet de voitures. Vous faites quoi dans la vie? Agent de footballeur. 300 000 à 2 millions. Me? Yeah. Personally, around $2 million. 2,500,000 for 1 year? Yes. 2,600,000 euros? Euro, yeah. Oh my god. Ah, mais c'est bon. Allez, ciao. On peut arrêter la vidéo là. Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, on est où? On est dans la magnifique principauté de Monaco et comment vous dire les amis, ici, ça sent l'argent, ça sent la richesse et moi je suis curieux, je vais aller demander aux habitants de Monaco qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment vous avez réussi à atteindre un tel niveau de richesse, comment faire le million d'euros. On est parti Philippe? Let's go les gars. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Non. Non, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Non. Bonne journée. Les gars, vous connaissez votre gars Loïc, hein, charbonneur, malgré les vents, malgré les refus. Ah, on est là toute la journée, nous. On lâche pas. Je demande aux personnes de Monaco ce qu'ils font dans la vie, etc., qui ont un bon flow. Okay. Ils aiment bien la sacoche, les chaussures. Merci. Très jolies. Moi, je travaille dans les réseaux sociaux. Réseaux sociaux? Ouais. Je gère une des plus grosses compagnies en Belgique. Est-ce que tu pourrais nous dire sur une année, ouais, une fourchette, combien tu arrives à faire avec ton business actuel? Disons que... des petits week-ends à Monaco, ça fait plaisir. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une jeune personne qui nous regarde pour être un peu successful? Se connaître, savoir c'est quoi tes avantages, tes atouts. Ok. Et focaliser là-dessus. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites dans la vie concrètement? Gérant? Gérant de société, dans l'immobilier. Ok. Ah, trop cool. Bah, l'immobilier résidentiel, tout ce qui est vente d'appartements, maison. Est-ce que vous pouvez nous donner un revenu annuel que vous arrivez à vous faire? 150 000. 150 000 ouais, par année? Ouais. C'est carré, c'est ouais. Très propre. Un conseil peut-être à un jeune homme qui nous regarde ou une jeune fille afin d'être motivé, d'être petit peu successful ouais, dans le business? Il faut croire en ses rêves, voilà, se donner à fond et faut jamais lâcher. Voilà. Ok. Jamais lâcher. Ok, c'est magnifique. Voilà. Très belle chaussure en tout merci, cas. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bye. Si vous rapportez ça au mois, ça fait plus de 12 000 euros. C'est plutôt propre. Et qu'est-ce que c'est que ce bolide, les gars? What do you do for a living? So I love your shoes and everything I can see. I have a business for hairstyles. Hairstyle? Yes. You have like a barbershop? Not barbershop. We sell hair straighteners. Oh, nice. Okay. Mm-hmm. Do you live in Monaco? No, I live in the USA. Okay. Can I ask you how much money you can make in a year to motivate young people, you know? Around 500,000. 500? Yes. 500,000 is amazing. Beautiful. Any advice for young people to start a business? Good tips, you know? What is important for you? That's a good question. Because you look very young, you're already successful. Yes, so. Yes, I tell you. Stop saying that you can't. Okay. Tell yourself that you can, but believe in it. You everything know? Is there? Everything. Okay. 100% is there. If you say you can, you can. All right, yeah. Amazing, I love it. Thank you so much, my friend. Have a nice day, yeah? Nice bye-bye. Day. 500 000 balles l'année, c'est ultra motivant et je savais qu'en venant dans cette ville, ah, j'allais manger une claque. Mais ask you what do you do for a living? I really like your style. I'm a doctor. Cosmetic. Doctor? Yeah. Really? Cosmetics. Oh, you work in Monaco? No, I work in London. Oh, okay. I'm here for a congress. Can I ask you how much money you can make in a year? Okay, you can make anything from 100,000 to half a million. Maybe. Half a million? Yeah. Oh, yeah. Okay, really nice. Any advice for young people to start who want to be successful like you? I'm an entrepreneur as well, so I have a skincare brand. Oh, nice. Which okay. I think for me, you need to find your passion. If you don't find a passion, then it won't drive you to be the very best. I understand. You'll get bored, you move to something else. I love it. So that's okay. What I say. Find a passion and then just believe in it, believe in yourself, and you can do anything. All right. Perfect. Okay. Thank you so all much, right. My friend. No, have a nice day. Ah, même le train, il a un goût de richesse, les gars. Bonjour. Excuse me. I really like your style. Can I ask you what do you do for a living? I'm a doctor. Can I ask you how much money you can make in a year as a doctor? So I'm from India. So 200,000 to 250,000 a year. Oh, okay. That's really nice. Really nice level. Okay. And any advice for young people, maybe who want to start a business? My mother's also a doctor, so it's a family business. My father's also in the business. Oh, okay. So for anybody who wants to start, I think they should just go ahead because sometimes people just think that, you know, how will it happen? What will happen? I love it. They should just take the first step. Exactly. Don't think too much. Like Yes. Excuse me, sir. Can I ask you what do you do for a living? À ce moment-là, il n'a pas accepté, mais j'ai attendu qu'il descende de sa Ferrari pour lui reposer la question et les réponses qu'il m'a apportées me sont encore marquantes à ce jour. It was me at the car, do you remember? I'm a business coach. Business coach? Yeah, wealth development. Oh, really nice. Okay, and Can we know how much in a year you can make approximately? Me? Yeah. Personally, around $2 million. $2 million. Yeah. 2 million, les amis. Oui. Amazing. Do you have any tip for young people who want to be successful like you? What is really important for you, sir? I come from a very poor country. It's called Lebanon. Oh, okay. Yeah, we're here on vacation. I am from Beirut. And to actually make it in life, you just need to work hard. Don't dream. Set a goal. Work every day. You know, when I started working for my dream, I was 33 years old. Now I'm 44. Okay. I didn't go out for like 4.5 years. Only focus on the business, yeah. Right? You need to focus on the business. And once, if you're great at what you do, you will achieve great things. In order to be great at what you do, you have to work every day. It's like being an athlete. I'm not an athlete, but I mean, it's exactly the same. If you look at athletes, they work like crazy. If you work like crazy, you will achieve something. No matter what you do, even if you are an employee, if you work like crazy, you will become a CEO. But you Understand. Have to work like crazy. And the most important thing is that you need to understand that things take time. If you it's not like that, this, right? No, never, never. You have to work every day. I mean, I had a shortcut because I worked 3 days every day because I worked like crazy, like 18 to 20 hours a day, basically. All right. And that was my shortcut. I achieved in 10 years what would take people 18 to 20 years to achieve. But it's a daily work. And you don't just rest and say, well, I'm here, I made it. I haven't made anything yet. I'm trying my best. Wow. Amazing, guys. I love it. Thank you so much, my friend. You're pleasure. Welcome. Huh? Have a nice day. You too. Bye-bye. Thank you. Oh, mais là, c'est trop, Phil. What's your YouTube channel? I can give you if you want. Bête de Ferrari, 2 millions par année. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en plus, comme l'a dit Philippe, il a commencé plutôt tard, à 33 ans. Ça montre que tout n'est pas impossible, il n'y a pas forcément d'âge pour réussir. Et en plus, il a dit qu'il venait d'un pays pauvre. On va me dire à Monaco, ouais, ils ont tous une cuillère en or dans la bouche. Mais non, les gars, regardez, exemple concret. Ah là, je suis ravi. Ah, vraiment, je suis ravi, les gars. Ah, les gars, moi, j'ai un concept, c'est simple. En France, l'argent, c'est tabou. Moi, je veux venir casser ça. Tout le monde gagne de l'argent. On vit tous grâce à l'argent. Et tous les mecs là qui vont me dire, ah, il n'y a pas que l'argent. Arrêtez, les gars. Allez, ne me parlez même pas avec moi. C'est bon, Philippe, on y va. Yeah, I really like your style. Can Thank I you. Ask you, what do you do for a living? I'm a doctor. You doctor? Yeah. Oh, there is a lot of doctor right yeah, here. Yeah, right now, yeah. Okay. It's a congress of plastic surgery here. Oh, really? Yeah. Are you specialized in something? In face. Face. Yeah. Can I ask you how much money you can make in a year as a doctor? It depends on the specialty. Yeah? But around? Around $1 million a year, $2 million. $1 million, $2 million, really? Depends on your specialty, wow, amazing. The country you live. All right. For example, the United States, it's one of the countries where you can get paid the most. Okay. You can make a lot. The sky's the limit, yeah. Okay, really nice. Any advice for young people who want to be successful like you, to start a business or as an entrepreneur, you know? I would say study hard. In my case, study hard. Yeah. Work a lot and persevere. It's lots of years of training. It's a process, right? Yes, it's a process. Okay. Nothing is for free. Nothing is easy and cheap. No, you have to invest a lot of time. Harvest. Yeah. I like it. Okay, thank you so much. Thank you very have much. Have a nice day. Yeah? You too. Can I ask you, what do you do for a living? I'm plastic surgeon. Oh, really? You're here for the congress, right? Yes. Okay. Can I ask you maybe how much money you make in a year? To motivate young people, you know? I need to translate because I'm Mexican. It's around... Let me check. Really? Yeah. 2,500,000 around for 1 year? Yes. Oh, that's a lot. Congratulations. Any advice for young people, maybe, who want to be successful like you? What is essential for you? Patience is the most important. Okay. Thank you so much. I really appreciate it. Have a All nice right. day, yeah? Les gars, 2,500,000 euros à l'année. Non, mais c'est bon, Philippe. Là, on peut rentrer. 2,500,000. Non, mais c'est bon. Allez, on peut arrêter la vidéo, là. Là, après, c'est quoi le next level? Ça va être 10 millions à l'année, 50 millions? Ah, moi, je veux, on continue. Ah, mais ça s'arrête jamais. Mais c'est quoi cette ville de fous furieux? Maybach? Pop. Combien ça file? 500 000 minimum. 500 000? Ah oui. Bah, le docteur, tout à l'heure, il peut se la payer tranquille, lui. À l'aise. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà venu dans cette ville et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse grandement, les gars. Regardez, Hôtel Hermitage aussi, là. Il fait pas rire, celui-ci, hein, Philippe? Allez. Bonjour. Excusez-moi. J'adore votre voiture. Vous faites quoi dans la vie? Pardon? Oh, magnifique. Vous arrivez à gagner combien par année avec ça? Pas mal. Super. Agent de footballeur, les gars. Sacré Ferrari. Hein. Je sais pas quelle star là du foot il gère, un hein, Mbappé ou je ne sais quoi, mais vu la voiture, il y avait du gros argent là, les gars. Je peux vous le garantir. Oh bah qu'est-ce qu'on a derrière nous? Le fameux circuit de Monaco de Formule 1. C'est quand même sacrément impressionnant là, avec les gros yachts et tout. Ça doit être quelque chose lors de l'event. Hein. On va aller voir s'il y a quelques millionnaires. Alors là, premier yacht, le Gavo, combien file? 10 millions. 10 millions? Allez, 10 millions. À côté, le Enjoy, encore plus gros. Celui-ci, combien? 14 millions. 14? Et regardez la taille de ces bateaux. Il n'y a pas grand monde. Hein. Je pense pas qu'on va avoir de propriétaires là, de yachts. D'ailleurs, ce serait une idée de vidéo, ça. D'aller voir directement les propriétaires de yachts, mais juillet, août, il y aura un peu plus de monde, je pense. Really love your style. We have a YouTube channel actually. Are you from, I don't know? I'm from Thailand. Oh, Thailand, you're from Thailand. Oh, you're here for holiday? You know Thailand? Of course. Small country. I know, but I love Thailand. I want to go. Okay. Beautiful place. Never go before? No, never. But I need to go. Okay. So, what do you do for a living? Are you a photographer? Yeah, no. Just hobby. Oh, really? Yeah, just hobby. What's your main job? I'm engineer. Really, engineer? Yeah. In your country, in Thailand? Yeah. Okay. I'm a civil engineer. Oh. My wife, she's doctor. Nice couple. Powerful couple, right? Can I ask you how much money you can make in 1 year your job? Yeah. Let me calculate. Take your time. À votre avis, les amis, ils gagnent combien? Ils vont nous dire ça et ils vont traduire, là. Per year. 2,600,000 euros. Euro, yeah. Oh my God. Ok, it's a lot, les gars. 2,600,000. Magnificent. Amazing. Do you have any advice for young people to be successful in life? What is important for you? Important for me, right? Yeah, to start a business. What is... I start business when I'm young. I think the people should be rich from mindset. Mindset. Mindset is everything, right? Yeah, mindset is everything. Enjoy. Bye. Bye-bye. Oh, les gars, oh, cette journée, c'est du n'importe quoi. Le gars est ingénieur, il gagne 2,600,000. Là, il faut se réveiller. Oh, le coup de pied aux fesses là, qu'il vient de me donner. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'adore votre voiture, monsieur. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? C'est la retraite. À la retraite? Oui. Ah, c'est la belle vie, alors. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez avant, sans être indiscret, pour motiver un petit peu les plus jeunes? J'ai travaillé à l'hôtel de Paris. C'est vrai? 40 ans, oui. En tant que? Oui, en tant que voiturier. Voiturier? Oui. Et maintenant, vous avez cette très belle voiture. J'ai jeté ça, c'est une défaillance professionnelle. Ah, bah c'est magnifique, franchement. Est-ce que vous auriez un tips pour un jeune homme qui nous regarde? C'est quoi pour vous qui est important pour être successful dans la vie? Il faut persévérer dans la vie, il faut essayer de faire des choses. Et d'accord. Et continuer. Moi, je suis italien, je débarque ici à l'âge de 20 ans. Et j'ai fait le maximum justement pour réussir dans ma vie. Réussir, je ne sais pas, entre guillemets. Oui, avoir... J'ai fait ce qu'il fallait faire et puis c'est tout. Hein. D'accord. Un sacrifice, bien sûr. Bien sûr. Une accumulation de choses, ouais. À la fin. Bon. C'est un long processus, mais au final... Exact. Ok, exact. Ça marche. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous. Petite Mustang GT. Alors là, on a l'exemple typique d'une personne qui n'a pas forcément, dès le départ, été multimillionnaire. Mais ce monsieur a taffé. Maintenant, il est à la retraite. Très belle caisse. Franchement, c'est très admirable. Je kiffe aussi. Très beau profil. So, do you speak French? No. English? English, yes. Can I ask you what do you do for a living? I'm healthcare manager. Do you live here in Monaco? No, I'm from Tbilisi, Georgia. Oh, nice. Yeah. Okay. And can I ask you maybe how much money you can make in a year to inspire young people? 20K. 20K? Yeah. A year? In a year? Oh, you mean a month? 20K a month. And any advice to young people who want to be successful like you? What is important for you? Learn everything. Okay. You can study everything as much as you can. Thank you so much. Have a nice day. Bye-bye. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir également des dames sur cette vidéo qui sont carriéristes et qui ont en plus réussi. Franchement, incroyable les gars. Bonjour monsieur. Excusez-moi, j'aime beaucoup votre style. Ouais. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est possible? Je suis architecte. Architecte? Ouais. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 20 ans. 20 ans, ah ouais, quand même. Est-ce que, pour motiver un petit peu, j'ai une jeune communauté sur YouTube, est-ce que vous pouvez donner ce que vous arrivez à vous faire sur une année en termes de chiffres? Ça peut être de 300 000 à 2 millions. 300 000 à 2 millions, voilà. C'est plutôt correct. Est-ce que vous auriez un tips ou un conseil à donner à un jeune homme qui souhaite se lancer et être successful comme vous dans le business? Qu'est-ce qui est important pour vous? Toujours viser quelque chose qu'on pense ne pas pouvoir avoir et... Toujours plus, haut, toujours, d'accord. Plus haut, d'accord. Okay. Toujours et jamais lâcher, toujours croire en soi et toujours croire à l'évolution possible. D'accord. Voilà. Jamais rien lâcher. Super. Bah, je vous remercie, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Architecte, entre 300K et 1 ou 2 millions, je ne sais même plus, je perds la tête, les amis. J'ai l'impression qu'on est dans un autre monde, mais en fait, c'est un monde qui est complètement réel. Il faut juste se donner les moyens d'y accéder. Et là, c'est palpable, c'est du concret. Et c'est, encore une fois le plus, ultra inspirant. Écoutez, les gars, il y a notre ami GMK qui vient de débarquer à sa voiture juste derrière. On va essayer de l'intercepter ou pas ? Il posait une question, ça peut être lourd. Là, il est juste devant le shop Richard Mille. Je pense qu'il a allé peut-être se choper une petite montre ou je ne sais quoi. Salut frérot, salut. Je suis youtubeur. Je vais te poser deux petites questions pour motiver la commu. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie ? Ce que je fais dans la vie ? Ouais. Je fais des vidéos sur internet de voitures. Excellent. Voilà, est-ce que tu peux donner un conseil pour un jeune homme de peut-être de 18 ans, enfin de le motiver ? Qu'est-ce qui est important pour toi pour bien commencer un business ou... Je vais pas parler de business parce que c'est pas ce dont je parle d'habitude, mais en tout cas, pour commencer sur internet, il faut qu'il fasse ce qu'il aime, qu'il reste vrai avec les gens qui le suivent, vrai dans son contenu et puis normalement ça devrait accrocher. Ok, voilà. Magnifique, je te remercie. Merci à toi. Bon écoutez les amis, on termine cette vidéo devant le magnifique casino de Monte Carlo. Moi j'ai été inspiré toute la journée, je me suis mangé des claques. Le mot d'ordre ça a été persévérance, motivation, focus. C'est ce que les personnes qui gagnent énormément de bif ont partagé avec nous. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui malgré le nombre monumental de vent que j'ai pu manger, c'est de continuer. Cette journée elle a été très marquante pour moi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like et l'abonnement pour soutenir la chaîne. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre dialogue, prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous.